Amis poissons, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois de mai 2023, le tirage de Béline concernant vos amours, puisque on se concentre maintenant uniquement sur les amours, et donc quel va être le message de l'oracle de Béline pour vos amours 2023, du mois de mai. Alors ça tombe, mais c'est toujours là, voilà, donc ça c'est... vous allez devoir, alors apparemment, compter sur vous-même beaucoup, sur votre sagesse intérieure, vous concentrer sur vous-même, parce que peut-être que vous allez être isolé, ou vous sentir isolé. Bon, on va voir la suite, hein, parce que parfois la coupe, elle est différente du tirage, elle donne juste une coloration au jeu. Amour, mai 2023, pour les poissons. Alors, quel est le message? Ouh là là. Bon, alors il y a des poissons pour qui ça n'ira pas. Apparemment, pour les poissons, il peut y avoir, par rapport à un lien qu'ils pensaient idéal ou qui devait perdurer. Bon, ben là, c'est simple, hein, on a la rupture définitive. Donc, il y a des poissons, je suis désolée, qui risquent de rompre définitivement une relation qui était pourtant bien partie ou stable depuis un moment. Il y a une rupture définitive. Et c'est pour ça que la coupe vous disait de compter vraiment sur vous-même, d'aller rechercher vos ressources intérieures pour maintenir, pour trouver la paix et pour traverser cette épreuve. Puisque même si on le décide, qu'on le décide ou non, une rupture c'est toujours très compliqué à affronter. Voilà. Et puis pour les célibataires, eh bien, cela indique que ce n'est pas du tout, le mois de mai n'est pas l'idéal pour faire une rencontre. Donc, concentrez-vous sur vous, sur vos projets personnels, sur tous les autres domaines de vie, mais ne comptez pas sur une rencontre affective. Et si vous avez quelqu'un en vue, apparemment, ce n'est pas la bonne personne, ou en tout cas pas le bon moment. Mais j'ai l'impression que c'est pas la bonne personne, carrément. Il faut vraiment oublier. Voilà. Alors, évidemment, tous les poissons, parce que vous êtes quand même nombreux, ne vont pas, qui sont en couple depuis un moment, ne vont pas rompre. Mais il risque quand même d'affronter une difficulté et une difficulté dans leur couple qui peut secouer leur vie de famille ou leur projet de famille ou leur vie de famille. Mais évidemment, alors là je vais quand même continuer parce que je peux quand même pas vous laisser comme ça. Voilà, vous voyez, derrière, les choses reviennent. Donc, pour les couples, les personnes qui sont en couple depuis plus longtemps et qui ne vont pas aller jusqu'à la rupture, malgré tout, les choses... vous allez vraiment devoir travailler sur un nouveau départ affectif au sein de votre couple et peut-être même demander conseil à l'extérieur. Parce que là, il y a vraiment pas mal de difficultés pour les poissons. C'est pas une bonne période, on va dire, le mois de mai. Mais ne vous inquiétez pas, certainement que les choses vont tourner favorablement par la suite. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de chance et plutôt je vous envoie plein de bonnes ondes pour ce mois de mai.